brown, baby. Oh, yeah. T'es pour lever, ou à gagner, nager, ou à faire mauvais genre, ou pas sous-parler, ou à faire mal élevé, ou toujours bouder, ou pas j'en ou toujours pressé. Pour ma chercher, y'en a de l'amour, y'en a de côté. Si y'en pas prêté, pas qu'un bébé. Si pas qu'un amour, un nous guette, bébé. Si y'en pas qu'un bébé, vint t'aim ça en face. J'ai visé les mêmes, moi, mais on m'a pas indispensable. Si y'en pas besoin, oh non. Qu'elle est oubliée ou pensée au match ou au café, ça oublie. L'amour pas fait d'assens unis. Ou aimer, moi aimer ou tout. Qui l'a pris pour y'en t'y comique. Ou bavle, moi bavle ou tout. Bi, ou ap mode pour m'changer. Bi ou vague. Ou n'a téléphone, l'a oublié. Changer, puis ou varier, ou n'a téléphone, l'air.